Litaka parle taka sauti ya Mungu tulikuwa mkanisa ikiloko. La dernière fois qu'il avait apporté la parole de Dieu, nous étions dans la petite assemblée. Mungu mfura kupokelea nduku mbuyu na kumsalimia mujina ya Bwana Yesu Kristo. Dans la joie de recevoir le frère Mbuyu de le saluer au nom de notre Saint Jésus Christ. Ni ye arikuya pasteur wa pa Bunkeya. C'est lui qui fut le pasteur à Bunkeya. Maintenant, eko nafanya kazi moya moya ku Port Gentil. Ça il fait le même travail à Port Gentil. Ni mu Gabon. C'est au Gabon. Et ça fait 3 ans maintenant. Hein? 5 hein? Ça fait 5 ans maintenant qu'il est là-bas. Ça miaka tano il est eko kule. Bale banafataka YouTube ukiandike Tabernacle de Port Gentil utawafuata mahubiri yao. Cela qui suit sur YouTube, si vous écrivez Tabernacle Port Gentil, vous allez suivre sa prédication. Leo. C'est lui qui commence la prédication aujourd'hui. Soyez attentifs. Mwe bakuteka sikio. Ah, le Saint-Esprit nous parlera et nous consolera. Nous invitons l'homme de Dieu. Nous vous saluons tous ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur pour le privilège qu'il m'accorde d'être au milieu de vous. Je remercie de tout cœur notre berger qui a bien voulu m'accorder le privilège de parler devant cette auguste assemblée. Je vous apporte les salutations fraternelles de vos frères et sœurs du Gabon en général et en particulier le frère et le sœur de Libreville et les frères et sœurs de notre assemblée locale de Port-Gentil au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je suis arrivé au pays, j'étais à Likasi, à Kolwezi, à Bunkeya, à Bunkeya, à Ntondo, à Kutondo, à Kakanda, Kakanda, à Mulungwishi, à Mulungwishi, à Dikula, Dikula, à Fungurume, Fungurume, à Bravo, à Bravo, à la barrière Kakanda, la barrière Kakanda, et partout là, na pour les côtés, les frères et sœurs, Banduku na Badada, m'ont chargé de vous saluer fraternellement, Banyambien misalimi sa Banduku, au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Mujina bwana wetu Yesu Kristo. Je vous invite à vous lever. Mina mialika mpate kusimama. Nous lirons dans les Saintes Écritures, dans les Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 3, nous lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Avant cela, inclinons nos têtes. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mungu ni mwema. Ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema kwangu. Notre Père céleste, Baba yetu aliye juu mbinguni, Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo yote, Créateur des cieux et de la terre, Mumbaji wa mbingu na dunia, Auteur des choses visibles et invisibles. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Pour le privilège que tu nous donnes. De pouvoir nous tenir en ta présence. Il est écrit que là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous te remercions pour ta fidélité. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi, Père, nous ne sommes pas venus nous tenir devant un homme. Nous ne voulons pas qu'un homme mortel parle au milieu de nous. Parce que les paroles de tout homme étaient mensonges. Mais toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Il est écrit dans les derniers jours. Personne n'enseignera son concitoyen. En disant qu'on est l'éternel. Mais que tous seront enseignés de Dieu. Pardonne nos fautes. Pardonne nos manquements et nos erreurs. Lave-nous dans le sang de Jésus-Christ. Et rends-nous plus blancs que la neige. Guéris toutes nos maladies. Car il était qu'il a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix tombée sur nous. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris. Envoie l'onction, car c'est l'onction qui enseigne. Remplis cette salle de ta présence, Seigneur. Et visite-nous d'une manière particulière. Nous voulons qu'à la fin de cette réunion, nous puissions nous réjouir et nous dire l'un à l'autre, il est bon d'être venu dans la présence d'Israël. Accorde le Père pour ta gloire, pour notre édification. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Actes Apôtres, chapitre 3. Nous lisons au verset 19 jusqu'au verset 21. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et nous continuons la lecture. Afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. La promesse principale avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui est consigné dans les Saintes Écritures, selon lequel Dieu enverrait un homme par lequel il rétablirait toutes choses. Et cela est écrit dans Matthieu chapitre 17, au verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Le Seigneur était sur la montagne de transfiguration, accompagné de ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Petro, Jacobo na Yohan. Il fut transfiguré devant eux. Arueza kubadilishwa mbele yabo. Et des grands personnages apparurent. Na batu bawili banene bakaonokana. Moïse et Élie. Musa na Elia. Ils se tenaient à ses côtés, ils s'entretenaient avec lui. Barikuwa pembeni yake na kusunguza pamoja naye. Qui est Moïse? Musa ni nani? Moïse est le prophète de l'Exode. Musa ni nabi wa kutoka. Tous nous connaissons. Shebote tunajua. Qui n'entra pas dans le pays de la promesse. Ashikuingia mwincha malako. qui mourut Arikufwa. Sur le mont Nebo. Yulia mulima ya Moyebo. Son tombeau n'est pas connu. Kaburi yake haijulikani. Mais ici nous le voyons. Hapa tukunamuona. Vivant à côté du Seigneur. Mwenye kuwa mzima pembeni ya Bwana. Nous comprenons. Tunaelewa. Que Moïse. Ya kwamba Musa. Est monté au paradis d'en haut. Alipanda kule paradiso kule juu. En passant par la mort. Mukupitia kulufu. Nous voyons un deuxième personnage. Tunaona mtu mwingine wa pili. C'est Eli. Ni Elia. Lui. Yeye. Il ne vit point la mort. Ashikone kilufu. Il fut enlevé. Alinyakuliwaka. Mais ici à la montagne de transfiguration. Lakini hapa pa mlima kugeuzwa. Nous le voyons vivant. Tunamuone ko mzima. Au côté du Seigneur. Pembeni ya Bwana. Alors que représentent les deux hommes? Sasa baba tu bawili bana manisha nini? Moïse représente les groupes. Musa anamaanisha le nkunji. Des morts en Christ. Ya bafu katika Kristo. Qui ressusciteront? Bale batafufuka. Lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Wakati akurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Eli représente les groupes. Elia anamaanisha le nkunji. Des croyants vivants. Ya baminifu bazima. Qui seront transmués. Bale batabadilika. Lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Wakati akurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Quand cette vision fut passée, wakati le onyo ilipita, Jésus et ses disciples, Yesu na bamitume yake, étaient maintenant sur le chemin du retour. Barikuwa sa munjia kurudi. C'est alors que les disciples lui firent cette question. Njo pale bamitume wakamuuliza. Parce que les disciples comprirent. Sababu bamitume walielewa. Que cette grande vision, yakini onyo munene, était l'ombre du retour de notre Seigneur Jésus. Ilikuwa kimvuru cha kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Parce que lors du retour de notre Seigneur Jésus Christ. Juste sababu wakati wa kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Il est écrit. Imeandikwa. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. A tout atanguria bale berkwa beko benye kufwa. Les morts en Christ. Bafu katika Kristo. Ressusciteront premièrement. Batafufuka kwanza kwanza. Ensuite nous les vivants. Kisha sheba jima. Nous serons transmis. Na she tutabadilika. Et ensemble. Na pamoja shebote. Nous serons tous enlevés. Tutanyakuliwa. Dans les airs. Mumaewa. À la rencontre du Seigneur. Mukutana na Bwana. Maintenant, cette vision sasa, ile ono, représentait le retour de Jésus-Christ. Et quoi namanisha kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Maintenant, pour les disciples, sasa, juu ba mitume, il y avait un maillot manquant. Kurukua kitu kwa kilikosa. C'est la présence du prophète Élie. Ni wepo wa Bwana wa mtume wa nabii. C'est pourquoi ils lui firent cette question. Joko mana bari muliza. Les scribes disent. Bandishi beko nasemu. Eli doit venir premier. Asema Elia anapasha kuja kwanza kwanza. Et le Seigneur dit oui. Na Bwana akasema ndio. Eli viendra premièrement. Elia atakuja wa kwanza. Et rétablira toutes choses. Na kurudisha vitu vyote. Mais je vous dis. Lakini mimi niambia. Eli est déjà venu. Eli ashakuja. Et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Na bari mtendea vile baritaka. Les disciples comprirent. Ba mitume wakaelewa. Qui leur parlait de Jean-Baptiste. Ya kwamba alikuwa anawasemezea yule Yohana Mbatizaji. Donc dans la réponse du Seigneur. Nikusema mujibu ya Bwana. Le Seigneur parle à ses disciples. Bwana unasema mitume yake. De l'envoi de deux prophètes loin par le même esprit d'Élie. Ya kutumwa kwa nabii mmoja mwenye kuwekwa na kupakwa na ile roho ya Elia moja moja. Et cela se rapporte avec la prophétie de Malachie. Na ile nambatana na nabii ya Malakia. Dans Malachie chapitre 4, mu Malakia sura ya 4, versets 5 et 6, mstari 5 na 6, quand nous lisons attentivement, wakati unasoma na utaratibu, nous verrons qu'on parle de deux hommes, tukunaona bado nasemea yule abatu bawili, tous un par le même esprit d'Elie. Bote benye kwa benye kupaka na roho moja moja Elia. Malachie chapitre 4 verset 5 et 6. Malakia sura 4 mstari 5 na 6. Voici je vous enverrai Elie le prophète. Lazama mitemtumia na Elia nabii. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Mbele ya siku ya milele ifike. Ce jour grand et redoutable. Il est si que mkubwa na kushangaisha. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Atarusha mioyo ya baba kwa watoto. Et le cœur des enfants à leur père. Na mioyo ya watoto kwa bazazi. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Kwa uga nishiko kupika inchi na kile kinakataliwa. Dans la question du Seigneur. Mujibu ya muulizo ya Bwana. Que lui firent les disciples? Ile ba mitume wakamuuliza. Il parle distinctement de deux hommes loin par l'esprit d'Élie. Et qu'on a semé na batu bawili bakwachana benye kupako na roho ya Elia. Elie qui doit venir. Elia unanapasha kuya. Et rétablir toutes choses. Na kurudisha vitu vyote. Et Elie qui est déjà venu. Na Elia moja unashakuja. Et qui n'a pas été reconnu. Na ule ya bakumtambui. Et celui qui était déjà venu. Na ule alikuwa shakuyaka. Et qui n'était pas reconnu. Na bakumtambui. Les disciples comprirent qui parlait de Jean-Baptiste. Là, le Seigneur parle du rétablissement. Mais ici, Malachie parle parle encore de deux hommes. Un par l'esprit d'Élie. Mais qui ont la tâche de ramener. Le premier ramène le cœur de père vers les enfants. Le second ramène le cœur des enfants à leur père. Mais ici, lui parle de ramener. Alors que le Seigneur dans Matthieu chapitre 17 parle du rétablissement. Et cela nous renvoie dans l'Ancien Testament. Où nous trouvons un prophète Élie le Tisbite. Qui a rétabli et ramené. Élie le Tisbite. Est apparu en Israël. Dans un temps d'une grande apostasie. Parce qu'il était monté sur le trône d'Israël. Un mauvais roi. Qui s'appelait Akab. Qui fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Qui prit pour épouse une païenne. Une Libanaise. De Sidon. Parce que Sidon, c'est au Liban. Cette femme s'appelait Jézabel. Elle est elle-même la fille d'un prêtre d'Astarte. C'était une païenne idolâtre. Qui ne connaissait rien de Jéhovah. Qui amena l'idolâtrie en Israël. Qui fit ériger des temples pour Baal. Qui entretenait des faux prophètes. Des centaines de prophètes étaient nourris à la table du roi. Et le peuple d'Israël entrait dans les temples de Baal. Ils adoraient. Sortaient. Ils entraient dans les temples de Jéhovah. Et ils sortaient. Ils ne savaient pas entre Baal katikati ya Baal et Jéhovah, na Yehova, qui était le véritable Dieu. Nani alikuwa Mungu wa kweli. C'est en ce temps-là que Dieu suscita Élie le Tisbite. Ni mule wakati Mungu alamusha Elia Mtishbiti. Qui convoqua le peuple. Ule alika taifa. À la montagne de Carmel. Kule kumulima Carmel. Pour que le Seigneur lui-même puisse trancher apate kukata mambo entre Baal, katikati ya Baal et Jéhovah, na Yehova, entre les faux prophètes katikati ya manabi ba bongo et les véritables prophètes de l'Éternel. Na nabi wa kweli wa milele. Comme les prophètes de Baal étaient en grand nombre, vile manabi ya Baal kwa mwingi, Élie était seul. Élie alikuwa yepeki. Élie dit aux prophètes de Baal. Élie akambia kwa manabi ya Baal. Vous commencerez en première position. Vous érigerez l'autel. Vous allez faire des sacrifices. Vous invoquerez le nom de votre divinité. Si c'est lui qui est le véritable Dieu, il répondra par le feu. Et après vous, ce sera mon tour. Je vais ériger aussi l'autel. Je vais offrir le sacrifice. Et si j'ai offert le véritable Dieu, il répondra aussi par le feu. Commencez. Ils étaient à 400. Les faux prophètes de Baal offrir leur sacrifice. Et depuis le matin, ils invoquèrent le nom de Baal. Baal ne pouvait ni répondre. Baal ne pouvait ni entendre. Baal ne pouvait ni voir. Parce que Baal était une idole. Sababu Baal alikuwa ni kisanamu. Il se fit des incisions dans la chair. Bakajikatakata mumwili. Et le sang coulait de partout. Na damu alikuwa anavuya fazi yote. Et ils appelaient Baal. Baranza kumuita Baal. Et ils pouvaient leur dire peut-être il est en voyage. Na ile alikuwa anabambia sasa zingine kumsafari. Peut-être il dort. Sasa zingine ashakulala. Peut-être il est allé dans un voyage d'affaires. Baal ne pouvait pas répondre. Baal akuweza kujibu. Parce que c'est une idole. Sababu yeni sanamu. Une idole est un mensonge. Sanamu kitu kia bongo. Il ne peut ni vous faire du bien ni vous faire du mal. Haiwezi kufanya hata kizuri hata kibaya. vers le temps du soir, kuleku wakati ya mangaribi, comme les faux prophètes échouèrent, vile banabi babongo walishindwa, Elie dit c'est maintenant mon temps. Elie akasema sasa ni wakati yangu. Que fit Elie? Elie alifanya nini? Elie rétablit l'autel de l'Éternel. Elie akajengulula mazabao ya milele. Qui avait été renversé? Ile baribomolaka. Avec les 12 pierres. Na maye majiwe 12. Qui représentait les 12 tribus d'Israël. Ile ilikuwa na maanisha makabila 12 ya Israeli. C'est la première chose qu'Elie fit. Kitu kya kwanza kile Elie alifanya. Il rétablit un ancien hôtel de l'Éternel. Akajengulule le mazabao ekalu ya zamani ya milele. Qui avait été renversé. Ile baribomolaka. Il prit 12 pierres. Akabeba majiwe 12. Qui représentait les 12 familles d'Israël. Ilikuwa na maanisha makabila 12 ya Israeli. Et il rétablit l'autel. Na akajengulula mazabao. Il mit les sacrifices sur l'autel. Akaweka sadaka pa mazabao. Et demanda aux jeunes hommes. Na kaita kwa vijana. Demouiller les sacrifices. Bapate kulubanisha le sadaka yote. Il met beaucoup d'eau. Bakaweka maji ya mingi. Elie ne voulait pas que le faux prophète pense que peut-être il aurait caché du feu. Elie a chukupende wale nabii babongo bawazia sema sazingine alificha kwa moto fazi moja. Et après Elie fit cette prière. Na kisha Elie akatoa imaombi. Oh Éternel. Oh Yehova wa milele. Je fais toutes choses. Mimi nafanya vitu vyote. D'après ta parole. Kufuatana na neno lako. Réponds. Jibu. Afin que le peuple sache. Kusudi taifa ijue. Que c'est toi. Ya kwamba ni weye. Qui ramène leur cœur. Jo kunarudisha mamioyo yao. Et l'Éternel répondit par le feu. Na Yehova kajibu kupitia moto. Eli cria au peuple. Na kalamika kwa taifa. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ufika na wakati gani mtaanza kutenga mangambo yote mbili? Kama Baali ni Mungu. Allez après Baal. Mwende kwa Baal. Si Jehova est Dieu. Kama Yehova ni Mungu. Allez après Jehova. Mwende kwa Yehova. Le peuple se cria. Taifa kalalamika. C'est Jehova qui est Dieu. Ni Yehova ndio mwenye kwa Mungu. C'est Jehova qui est Dieu. Ni Yehova ndio mwenye kwa Mungu. C'est Jehova qui est Dieu. Ni huyu Jehova yuko Mungu. C'est moi les faux prophètes. Munibambie manabii babongo. Il se saisit des faux prophètes. Bakabamba manabii babongo. Et les amener au pied d'Elie. Bakabaleta kumiguu ya Elie. Na Elie akabachinja bote. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce qui arriva sur le mont Carmel? Tutaweza kubamba ni kwale sifikia kule kumulima Carmeli? C'est que Dieu avait répondu. Ni kusema Mungu alijibu. Par le feu. Kupitia moto. Et cela provoqua. Na ile kazarisha. La jalousie du peuple. Bwivu ya taifa. Ils se révoltèrent contre les faux dieux. Bakabatombokia wale wanabii babongo. Contre les faux enseignements. Bakatombokia mafundisho ya bongo. Bakatombokia kwa Mungu kwa sanamu na mioyo yabo. Ikarudishwa kwa Mungu wa kweli. Jina Bwana Yesu Kristo itukuzwe. Donc c'est du temps de l'île de Tishbite. Ni kusema ni wakati ali ya Mtishbiti. Où toutes les deux notions sont réunies. Mule mamambo yote mbili unganisho. Le rétablissement. Kujengulula. Et le fait de ramener le cœur. Na ali ya kurudishwa mamioyo. Le cœur du peuple fut ramené. Mioyo ya taifa ikarudishwa. Après qu'Elie rétablit l'autel, kisha Elie amkuchengula mazabao, qui était renversé, ile baribomolwaka, par les 12 pierres, na kupitia majiwe 12, ilikuwa inamaanisha makabila 12 ya Israeli. Amen. Amen. Maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, sasa mbele ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo, il y a une promesse principale. Kuko malako moa ya musingi kabisa. Selon laquelle Dieu enverra un homme. Kufuatana na ile Mungu atatuma mtu. Ouin par l'esprit d'Elie. Mwenye kupako na roho ya Elia. Pour rétablir toutes choses. Dieu kurudisha vitu vyote. L'église du Nouveau Testament. Kanisa ya mwagano jipya. Fit inaugurer le jour de la Pentecôte. Ilianzishwa mshiku ya Pentecoste. Par l'effusion du Saint-Esprit. Kupitia kushuka kwa Roho Mtakatifu. Et déjà au début de l'église, na kule kumwanzo wa kanisa, l'apôtre Paul fut choisi. Mutume Petro alichakuliwa. Pour établir l'église du Nouveau Testament. Juu ya kuanzisha kanisa mwagano ya jipya. Dans la véritable doctrine. Kuiweka mafundisho ya kweli. Paul n'a pas été avec Jésus. Paulo ashikwe pamoja na Yesu. Il n'avait pas marché avec lui. Ashikutembeake pamoja naye. Mais Paul le rencontra sur le chemin de Damas. Lakini Paulo akakutana naye munjia ya Damasik. L'évangile que Paul prêchait. Injili Paulo alikuwa anahubiri. Il n'a ni appris, il a reçu par révélation de Jésus. Ashikujifunze alipokea kupitia ufunuo wa Yesu Kristo. C'est pourquoi lui-même pouvait dire. Ndio kwa maana yeye angeweza kusema. Je m'étonne beaucoup. Niko na shanga sana. De ce que vous vous détournez de la simplicité à l'égard. Kwa vile mnaacha unyenyekevu kuhusu Kristo. Pour passer à un autre évangile. Comme s'il y aurait un autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Injili ya Christ. Il dit quand nous-mêmes, annoncerons notre évangile, atatangaza injili ingine, que celui que nous avons prêché, muliko ereshe tulitangaza, qui soit anathème. Apate kulaniwa. Paul disait, Paolo alikuwa anasema, j'ai posé les fondements, miliweka misingi, comme un sage architecte. Sawa mwenye kuweka na akili. Vous êtes édifiés. Mwe mnajengwa. Sur les fondements des apôtres. Yule ya msingi ya mitume na manabii. Et Jésus-Christ lui-même. Na Yesu Kristo mwenyewe. Étant la pierre principale de l'angle. Ndio mwenye kuya jiwe ya mkono ya msingi. L'église du Nouveau Testament. Kanisa ya Agano Jipya. Et fermement établi sur la doctrine des apôtres. Et iko hakika yenye kuwekwa yulu ya mafundisho msingi ya mitume. Na ba manabii. Et Jésus-Christ étant lui-même la pierre principale de l'angle. Kristo yeye mwenyewe kuya jiwe ya mkono. Comme vous le savez, Jine munaijua. L'église du Nouveau Testament, Kanisa Mwagano Jipya, devait passer par cette époque. Ilipasha kupita mwile mawakati. Que la Bible appelle les sept âges de l'église. Ile Biblia naita mabizazi saba ya kanisa. Les premiers âges de l'église, kizazi cha kwanza ya kanisa, c'est l'âge d'Éphèse. Ni kizazi cha Efeso. Et le messager était Paul lui-même. Na mjumbe mwenyewe alikuwa ni Paulo yeye mwenyewe. Et le chrétien de l'âge d'Éphèse, na mukristo wa kizazi cha Efeso, avait des sentiments nobles. Alikuwa na mania ya heshima. Il ramenait toutes choses. Alikuwa anarudisha vitu vyote aux saintes écritures. Kumaandiko takatifu. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Ils avaient éprouvé les faux apôtres. Baliweza kupima banabi babongo. Ils les avaient trouvés menteurs. Balibakuta sema ni badanganyifu. Pourquoi? Juu ya nini? Il ramenait toutes choses aux saintes écritures. Barikuwa anarudisha vitu vyote kwa maandiko takatifu. Les premiers chrétiens dans l'âge d'Éphèse. Ba Kristo wa kwanza mkizazi kia Efeso. Sont différents des chrétiens actuels. Banaachana ba Kristo ba leo. Les chrétiens actuels ne veulent plus rien retourner tout aux saintes écritures. Ba Kristo ba leo wapende kurudisha vyote kufuatana na maandiko takatifu. Mais dans l'âge d'Éphèse. Lakini mkizazi kia Efeso. Jésus-Christ loue hautement cette église. Yesu Kristo anatapa sana ile kanisa. Donc, dans l'âge d'Éphèse, nous sommes au Kizazi ya Efeso, la lumière était très grande. Nuru ilikuwa munene kabisa. Que les faux avaient beaucoup de difficultés. Na babongo walikuwa na magumu kabisa. Pour séduire les véritables chrétiens. Juu ya kuvuta ba Kristo ba kweli. Mais maintenant, arrivé dans le deuxième âge. Sasa mkufikia mkizazi kia pili. C'est l'âge de Smyrne. Ni kizazi kia Smyrne. C'est l'âge de la persécution des véritables chrétiens. Ni kizazi kia kuteswa ba Kristo ba kweli. La persécution avait commencé avec les martyrs d'Étienne. Ma tesi ulianzia mpaka na kuua kwa Étienne. Étienne était persécuté par les Juifs. Étienne bali muteswa kupitia ba Yuda. Qui voulait protéger la loi mosaïque. Balipenda kukinga ile sheria ya Musa. Mais après les martyrs d'Étienne. Lakini kisha kuua kwa Étienne. C'était maintenant sous Nero qui était un empereur romain. Ilikuwa chini ya Nero alikuwa mfalme wa Roma. Et les chrétiens passaient par des moments difficiles de persécution. Na Wakristo walipita wakati ya nguvu ya mateso. Ce sont les chrétiens. Ni ba Kristo. De Smyrne. Ba ku Smyrne. Dont Paul exalte dans Hébreux chapitre 11. Bale Paulo yuko na tapa mu Hebrewia 11. C'était les héros de la foi. Balikuwa ni mashujaa ya imani. Des hommes et des femmes qui célèbrent le témoignage par leur propre sang. Banaume na banamke walikuwa na yotia muhuri ya mashuhuda yake kupitia damu. Et la promesse pour ces gens-là était. Na malako ya bale batu ilikuwa ni. Sois fidèle jusqu'à la mort. Kuwa mwaminifu kufika na kulufu. Et je te donnerai la couronne. Na mimi nitakupatia taji ya buzima. Le troisième âge de l'église, c'est l'âge de Pergame. Kizazi kia tatu kia kanisa, kizazi kia Pergame. C'est l'âge de Pergame. Ni mkizazi ya Pergame. Qui a eu mélange. Jomu lukua sa mchango. Entre le christianisme et le paganisme. Katikati ya kikristo na kipagano. Entre le romanisme. Katikati ya kiroma na kikristiani. Avec le concile de Nicée en 325. Na concile ya kunise mu 325. Nicée, c'est en Turquie. Nicée, ni mule mu Turquie. C'est là où commença l'église catholique romaine. Jo mule mulianzia kanisa ki katoliki ya Kiroma. L'église catholique romaine n'est pas l'église primitive. Kanisa ki katoliki ya Kiroma na njo kanisa ile ya kumwanzo hapana. L'église catholique romaine, c'est le mélange. Kanisa ki katoliki ya Kiroma ni le mchango. Le christianisme et le romanisme, le paganisme. Na ki kiroki wa Roma ki kinywa ki pagano. L'église est devenue l'église de l'Empire. Kanisa ilikuwa sasa kanisa ya kifalme. C'était au 4e siècle. Ilikuwa ni mu kizazi kia ine. La doctrine des apôtres fut remplacée par des credos et des dénominations. Mafundisho wa mitume ilibadilisha na mafundisho ya batu. Arrivé dans le 4e âge de l'église qui est l'âge de Thyatira. Mu kizazi kia ine kia kanisa kinyokuwa kizazi kia Thyatira. C'est l'âge le plus sombre. Ndio kizazi kia kinyokuwa kia ingiza kabisa. Et le plus long. Na kia kirefu kabisa. C'est l'âge qui prit presque 1000 ans. 1000 ans de ténèbres. 1000 mois ya mangiza. Pendant cet âge, la Bible fut retirée dans les mains des chrétiens. Kadiria hiki zazi Biblia wanayondosha kwa mikono ya Wakristo. Et à la place on leur donna des missels de catéchisme. Na pafasi ya wanapatia mafundisho ya kikatolika. Le salut par la foi fut écarté. Na okovu ya kweli banaitosha. Le salut était maintenant vendu. Il y avait la vente des indulgences et des reliques. Et l'église catholique est comparée à cette femme Jézabel qui était assise en reine. Na kanisa katoliki wanafananisha na ule malkia Jézabel comme ici. Toute la doctrine apostolique fut écartée. Na mafundisho yote ya mitume waliweka pembeni. C'est l'âge des ténèbres. Ni kizazi cha giza. Mais il y avait dans les saintes écritures une promesse de restauration. Ya kurudishwa. Joël avait prédit. Il dit, je vous remplacerai. Les années qu'on dévorait la sauterelle. Les gelées gazines. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Il dit, vous mangerez, vous vous rassasierez. Et mon peuple ne sera jamais dans la conflit. C'est alors que nous arrivons dans le 5e âge de l'Église. L'âge de Sardes. C'est dans cet âge que Dieu suscita un moine catholique. Akalamusha batiri mwaki katolika. Un Allemand. Martin Luther. Qui voulait traduire la Bible du latin en allemand sa langue maternelle. Ule alipenda kufasiria Biblia kutoka mu latin kwenda mu kialemani lugha yake ya kuzalikwa. Conduit par l'esprit de Dieu. Mwenye kuongozwa na roho ya Mungu. Il découvrit les vérités fondamentales. Akavumula maukweli ya msingi. Dieu éclaira son intelligence. Mungu akaangazia akili yake. Il s'écria oh. Akalamika oh. Le juste vivra par la foi. Mwenye haki ataishi kupitia imani. Et le salut est uniquement en Jésus Christ. Na wokovu kutupaka ndani ya Yesu Kristo. C'est l'âge du protestantisme. C'est l'âge de la réforme. Avec l'invention de l'imprimerie. On imprimait maintenant la Bible. Et la Bible fut donnée aux croyants. C'est Luther. Qui nous a redonné la Bible. Qui a prêché le retour à l'évangile. Les messages, ujumbe, la justification par la foi. Usabia haki kupitia imani. C'était déjà le début de la restauration. Ilikuwa ni mwanzo ya kurudishwa kwa vitu. Et Martin Luther. Na Martin Luther. N'a pas ramené dans l'église. Ashikurudisha mukanisa. Toute la doctrine apostolique. Mafundisho yote ya mitume. Parce que c'était juste un réformateur. Parce qu'il alikuwa tu ni mtu wa kurudishwa. Après lui au 6e âge de l'église. Kisha yeye mkizazi kia sita. Dieu suscita un anglais. Mungu akalamusha tena mtu wa Kiingereza. Appelé John Wesley. Ule wanamuita John Wesley. Lui était sorti de l'église anglicane. Yari toka mkanisa kianglikani. Lui prêchait la sanctification. Yari kwa naubiri kutakasa. C'était le 6e âge de l'église. Ilikuwa ni kizazi kia sita kia kanisa. John Wesley lui aussi. John Wesley yeye naye pia. C'était un réformateur. Alikuwa ni mtu tu wa kubadilisha vitu. Il n'a pas ramené toute la doctrine apostolique. Ashikurudisha mafundisho yote ya banabi. C'était juste un réformateur. Alikuwa tu ni mtu wa kubadilisha. Et entre le 6e âge de l'église et le 7e âge de l'église. Na katikati ya kizazi cha 6 na cha 7. Déjà dans l'âge de Philadelphie. Mule mukizazi ya Philadelphia. Qui est le 6e âge de l'église. Inyekuwa kizazi cha 6. Quand vous lisez le message à l'âge de Philadelphie. Wakati unasoma ujumbe mukizazi ya Philadelphia. Jésus annonce déjà sa venue. Yesu anatangaza kurudi kwake. Il dit voici je viens bientôt. Asema tazama mimi nakuja hapa sasa. C'est pourquoi au début du 7e âge de l'église. Ndio kwa maana kumwanzo kizazi cha 7 cha kanisa. Qui est l'âge. Inyekuwa kizazi ya Laodikia. Dieu avait restitué les dons dans l'église. Mungu alirudisha mazawadi ndani ya kanisa. C'était aux États-Unis d'Amérique. Ilikuwa ni kule ku America. À Los Angeles. Kule ku Los Angeles. Sur la rue Azusa. Munjia mule banaita Azusa. Où il y avait des chrétiens. Mule mulikuwa ba Kristo. Qui croyaient au message de John Wesley sur la sanctification. Barikuwa benye kuamini kujumbe ya John Wesley yule ya utakaso. Ils étaient tellement sanctifiés qu'un jour dans une réunion, Dieu devait s'assurer les dons de l'esprit. Il s'est mis à parler en langue, à prophétiser, à prier pour les malades, et ils s'écriaient, nous sommes retournés au jour de la Pentecôte. C'est le début du mouvement pentecôtiste. C'était juste la restauration des dons. Il quoi tu ne kurudisho kwa mazawadi? Les pentecôtistes. Bakipente. N'ont pas ramené toutes choses. Aba kurudisho bitu biote. Sur le fondement apostolique. Yulia misingi ya mwana ya ba mitume. Ils prêchaient comme les autres. Bako na obili sa bo bote bengine. Mais à la différence. Lakini mumwachanisho. Il y avait des dons de l'esprit qui se manifestaient au milieu d'eux. Mko mazawadi ya roho kwa naonekana katikati yao. Et il y a eu des grands hommes de Dieu qui se sont levés, qui ont prêché l'évangile, njili, qui ont prié pour les malades, gonjwa, qui ont opéré des miracles, et nous étions déjà dans le dernier âge de l'Église. Parmi tous ces grands hommes qui se sont levés, il y a eu aussi un humble serviteur de Dieu qui était différent de tous. Lui avait un ministère qui est passé par trois phases. Au début, c'était d'abord la guérison. Et la deuxième phase, na kipande kia pili kia huduma yake, la prophétie. Ilikuwa ni kutabiri. Et la troisième phase, na kipande kia tatu kia huduma yake, c'était l'ouverture de la parole. Ilikuwa ni kufunguliwa kwa neno. C'est toi-même sans instruction. Ule muntu bila majifunzo, c'est William Branham. Ni William Marion Branham. Le 11 juin. Chiku ya le 11 juin. 1933, vers les 14h, après avoir tenu une campagne d'évangélisation, beaucoup d'âmes furent gagnées à Christ. Manafsi ya mingi pelekwa kwa Kristu. Et il les a amenés à la rivière Oyo. Na akapeleka kwa mtoni ya Oyo. Pour qu'ils soient baptisés selon le modèle biblique. Au nom de Jésus Christ. Mujina bwana Yesu Kristu. Et à la berge de la rivière, na kule kupembeni ya mtoni, il y avait 4000 témoins. Kulikuwa bashuda 1000. Et le jeune prophète était dans l'eau. Na ule kijana nabii alikuwa ndani ya maji ya mtoni. Après avoir baptisé 16 personnes, kisha yeye kubatiza makumi ya sita, il se préparait pour baptiser la 17e personne qui était une dame. Alikuwa anajitayarisha njoo kubatiza wale wa 17 alikuwa mwanamke. Et tout à coup il y a un tourbillon. Na paka pale kukua qui secoua tout l'endroit. Pepo mwa kalamuka kalamushi le foishi. Et descendit tourbillon. Na ile mpepo kwa zunguka. Et sortit une lumière surnaturelle. Il toka mkintu mtoka sauti mwa. Et descendit la lumière surnaturelle. Na mule mfashi ya zunguka. Et sortit une voix. Mtoka sauti. Et cette voix disait. Na ile sauti kuna sema. Comme Jean-Baptiste a été envoyé. Vile wana mbatiza juu alitumwa. Comme précurseur. Sawa wa kwanza kutangulia. Na premier venu. Kutangulia kuja kwangu. Et toi William Branham. Na wewe William Branham. Tu as reçu un message. Ulipokea ujumbe. Et ce message na ile ujumbe sera le précurseur. Itakuwa ile kunatangulia kutayarisha kurudia kwangu kwa pili. William Branham. William Marion Branham. A reçu de Dieu. Alipokea kwa Mungu. Un ministère prophétique ujumbe et apostolique. Moi ya kinabii na mitume yenye kurudishwa. Il était le prophète promis. Alikuwa ni ule nabii alikiwa. Il était oint par l'esprit d'Élie. Alikuwa mwenye kupako na roho ya nabii ya Elia. Dans son ministère, Mouduma yake, tu as opéré beaucoup de miracles. Mungu alitimiza mamiujiza mingi. On pouvait même ajouter au livre des Actes des Apôtres. Ile bangeweza ta kuyongeza ku kitabu ya Matendo ya Mitume. Le 7 mai 1946. Le 7 mai 1946. Alors qu'il s'était retranché dans une cabane en brousse. Bala rendaka mukanyumba kama kamupori. Pour chercher la face du Seigneur. Jia kutafuta uso wa Bwana. Il reçut la visite d'un ange du ciel. Alipokea kutembelewa kwa malaika wa kumbingu. Qui lui donnait une commission, un mandat. Il alimpatia kazi moja. Par lequel les enfants de Dieu. Ile batoto ya Mungu. Devaient être ramenés. Barepashwa kurudishwa. À la foi de père apostolique. Ku imani ya baba ba mitume. Le message du temps de la fin. ujumbe ya wakati ya mwisho est un message de préparation. Ni ujumbe ya matayarisho. Le message du temps de la fin. Ujumbe ya wakati ya mwisho est un message d'appel à sortir. Ni ujumbe ya kuita watu kutoka. Le message du temps de la fin. Ujumbe ya wakati ya mwisho c'est un message de séparation. Ni ujumbe unatutenganisha. Sortez du milieu de mon peuple. Mutoke katikati ya taifa yangu. Et séparez-vous. Na muachane nao. Ne touchez pas ce qui est impur. Mushiguse kwenye kuabia buchafu. Et je vous accueillerai. Na minta mipoke. Femaname était un prophète promis. Ndugu rawe kwa ni nabii ule mwenye kulakiwa. Pendant son ministère. Kadiri ya huduma yake. Toute la doctrine apostolique. Mafundisho yote ya mitume. A été rétabli sur le champ de l'Église. Ilirudishwa yule kinara. Le peuple de Dieu. Na taifa ya Mungu. Les véritables enfants de Dieu. Watoto ya Mungu ya kweli. Tous ceux qui appartiennent à la véritable église. Bale beko ba kukanisa ya kweli ya Mungu. Qui écoute le message de Frère Branham. Bale unasikia ujumbe wa ndugu Branham. Il se révolte. Beko na tumboka. Contre les mensonges. Beko na tumbokia bongo. Et ce message le ramène. Na hii ujumbe unabarudisha. À la véritable foi apostolique. Imani ya kweli ya ba mitume. C'est le retour à la parole. Ni kurudishwa kwa neno. C'est le retour à Dieu. Ni kurudia kabisa kwa Mungu. C'est le retour à la volonté de Dieu. Ni kurudishwa ku mapenzi ya Mungu. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Yesu Kristo pate kutukuzwa. Frère Branham est un prophète promis. Ndugu Branham ni nabii mwenye kulakiwa. Et nous sommes les enfants de la promesse. Na shetu batoto ya malako. Tous les enfants de la promesse. Batoto bote ya malako. Dans cet âge. Mwikizazi. Qui écoute le dernier message. Bayo unashikia ujumbe ya mwisho. Qui écoute le dernier appel. Bayo unashikia wito ya mwisho. S'ils sont prédestinés au salut. Kama beko benye kutayarishwa kwa wokovu. Bote. Ils se révoltent. Beko na tumboka. Contre la confusion qui règne dans le monde. Kui mvuruko na tawala mwingi. Ils sont des dénominations. Banatoka mazee. Ils sont des coutumes. Banatoka makabila. C'est le retour à Dieu. Sa banarudia sasa kwa Mungu. C'est le retour à la parole. Juu ni kurudishwa kuneno. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina Yesu Kristo pate kutukuzwa. C'est un message qui appelle le ni, peuple de Dieu. Ni ujumbe unaita taifa ya Mungu. Les véritables enfants de Dieu. Batoto ya Mungu ya kweli. À revenir à Dieu. Bapate kumrudiria Mungu. À revenir à la parole. Bapate kurudiria kuneno. Et tous les enfants de Dieu. Na batoto bote ba Mungu. Qui reviennent de tout cœur. Bale banarudia na mioyo yabo yote. À la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Pour leur préparation. Juu ya matayarisho yabo. Pour expérimenter. Banapasha kuonja. Toutes les expériences bibliques. Maonjo yote ya Biblia. Dans la foi. Ndani ya imani. Et l'obéissance. Na utifu. Comme autrefois. Sawa vile zamani. Ale christianisme primitif. Mungu kristiani kia kumwanzo. Nous ne pouvons pas seulement nous contenter de dire. A tous, tu vois, tu nous sema. Frère Branham est un véritable prophète. Ndugu Branham ni nabii wa kweli. Nous avons reçu un véritable message. Tulipokea ujumbe wa kweli. Nous ne devons pas nous arrêter seulement à ça. A tous, tu vois, tu peux nous sema film. Frère Branham est un prophète promis. Oui. Ndugu Branham ni nabii alikiwa ndio. Frère Branham nous a amené un véritable message biblique. Oui. Ndugu Branham tuleta ujumbe wa kweli wa Biblia ndio. Mais nous qui avons reçu ce message. Sasa chetu tulipokea hii ujumbe. Nous devons expérimenter. Tunapasha kuonja. Toutes les expériences du salut. Maonjo yote ya wokovu. Comme autrefois. Sawa vile zamani. Ale christianisme promis. Muki kristiani kia kumwanzo. La conversion. Kugeuzwa. Comme autrefois dans l'Église. Sawa zamani mwiki kristiani kia kumwanzo. La nouvelle naissance. Kuzalikwa mara ya pili. Nous devons l'expérimenter. Tunapasha kuonja. Comme autrefois. Sawa vile zamani. Dans l'Église primitive. Mwiki kristiani kia kumwanzo. La justification et la sanctification. Kuhesabiwa haki na kutakaswa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nous devons l'expérimenter. Tunapasha kubionja. Comme autrefois. Paka sawa vile zamani. Dans l'Église primitive. Mwiki kristiani kia kumwanzo. Amen. Amen. Très bien. Ni mzuri sana. Quand nous lisons maintenant dans le livre de Jacques. Wakati sasa tunasoma kitabu ya Yakobo. Je dois arrêter à quelle heure? Très bien. Quand nous lisons maintenant dans le livre de Jacques. Wakati sasa tunasoma kitabu ya Yakobo. Chapitre 5 verset 7. Mstari 5 mstari ya 7. Jacques parle également. Yakobo naye unasemea pia. Du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques chapitre 5, verset 7. Yakobo tano mstari 7. Soyez donc patients, frères. Mwe basi ba kutulizana nduku. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Kufika na kuja kwa Bwana. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre. Tazama mlimaji unachunga tunda ya damani ya bulongo. Prenez patience à son égard. Eko na vumilia juu ile. jusqu'à ce qu'il ait reçu le prix de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. L'apôtre Jacques, lui aussi, parle de la seconde venue du Seigneur. Lui aussi parle du rafraîchissement. Lorsqu'il parle du rafraîchissement, il fait allusion à la promesse de la pluie de la première et de l'arrière saison. Dans le naturel, pour les laboureurs, les laboureurs paient bien défricher les champs. Mulimaji anaweza kutengeneza mzuri mashamba yake kutosha mizizi. Bien labouré. Anaweza kulima mzuri. Pierce. Ataweza kutengeneza mzuri bulongo. Préparer la semence. Kutengeneza mbeko yake. Mais il faut la pluie de la première saison pour ensemencer les champs. Sasa inafaa mvule ya kwanza ipike njuba apate kupanda. S'il n'y a pas de première pluie, il n'y a pas d'ensemence. Hakuna ile mvule ya kwanza ni kusema na kupanda na kwa kunako. Ainsi la première pluie accompagne l'ensemencement. Et si le laboureur a bien ensemencé son champ pour avoir une meilleure récolte, il faut la pluie de l'arrière-saison pour amener à la récolte. S'il n'y a pas de pluie de l'arrière-saison, le laboureur ne peut pas espérer une meilleure récolte. Et avant le retour de Jésus-Christ, nous avons une promesse que Dieu a enverrait toutes les deux pluies simultanément. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Mais parce qu'il s'agit de la pluie, la Bible parle de la semence. Bible, unasema yule mbeko. Il dit la semence, c'est la parole. Asima mbeko ni neno. Les semeurs sèment la parole. Mupandaje unapanda ni mbeko. Et nous, en tant qu'église, nous sommes les champs de Dieu. Paul dit, vous êtes les champs de Dieu. Quand le prophète Jean-Baptiste est apparu, il présenta le Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci dans Matthieu chapitre 3. Au verset 12. Au verset 11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et du feu. Il a son vent à la main. Non. L'ombre. Et qu'on a lungu. Le vent. Lungu, c'est un naji. Objet kitu kamoya, qu'on se sert pour vanner. Juu ya kupepula nacho. Banatumiaga juu ya kupepula nacho. Il a son vent à la main. Et qu'on a lungu kumikono yake. Il nettoyera son air. Atatengeneza kiwancha yake. Et il amassera son blé dans le grenier. Na atakusanyika mapato yake mukalala. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint. Na atalungusha makapi mumoto la itaisha. Lorsque Jean-Baptiste présente le Seigneur, wakati yono mbatizaji unamuonesha Bwana, lui il parlait déjà de la moisson. Yeye alikuwa anasemea hata mkumavuno. Il parlait déjà de la moisson. Alikuwa anasemea yule ya mavuno. C'est l'enlèvement. Ni kunyakuliwa. Il parlait déjà du grenier. Alikuwa anasemea yule wa kahala. Il parlait déjà du véritable grain, le blé. Alikuwa anasemea yule mbeko ya kweli, ya ngano. Il parlait déjà du vent. Alikuwa anasemea yule ya lungu. Parce que si nous ne cultivons pas le riz. Juu huko tulimake zaidi mchele. Mais abunkea. Lakini ule kubunkea. On cultive le riz. Manarimaka ku mchele. Et quand nous étions dans les Manyema. Na kama wakati pati kwa kule ku Manyema. Quand nous sommes arrivés à Kasongo. Wakati fika ku Kasongo. J'ai vu que les bazimba là-bas font des bons vins. Milio na kasema bazimba be wanafanya malungu ya mzuri. Et j'avais payé un exemplaire pour apporter à mon épouse. Namiri uzaka mfano mmoja kuletea mwa bibi yangu. Et comment est-ce qu'on vanne? Na ni banafanyaka banapepulaka je. Quand on a récolté. Wakati banavuna. La semence est mélangée à la paille. Mbeko isha kuchangana na makapi. Maintenant, il faut vanner cela. Ça c'est na fai ukuipepula. Pour enlever la paille. Jua kutosha mwele makapi. Maintenant, c'est lui qui doit vanner. Sasa ule anapasha kupepula hayo. Il doit s'exposer au courant d'air. Anapasha kujiweka kumpepo. Quand le vent passe. Wakati mpepo kuna pepula. Lui met le véritable grain. Yanaweka mbeko ya kweli mule. Qui est mélangé à la paille. Ile nye kuchangana na makapi. Et il balance le grain. Na natupa mbeko yulu. Et la paille est emportée. Na ile makapi manebeba kwa mpepo. Et le grain revient dans le vent. Na mbeko narudia inashuka mule mulungu. Parce que le grain est lourd. Sababu mbeko iko na busito. Mais la paille est emportée. Sasa makapi yo wanepepula na mpepo. Ce qui fait le poids des chrétiens. Jele unafanya buzito wa mkristu. C'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous êtes léger. Kama una neno ya Mungu kumwepesi kupepelo. Mais si vous avez la parole dans votre cœur. Lakini kama una neno ya Mungu ndani ya moyo wako. Vous êtes lourd. Unakuwa wa buzito. Quand même il y a des vents de doctrine. Hata kama kuko mafundisho ya Mungu. Hata bana kutupa. Mais vous revenez toujours. Huko narudia paka. Dans le sang. Mule mulungu. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jina bwana wetu Yesu Kristo utukuzwe. Nous attendons la moisson. Tuko na ngoja mavuno. Jean-Baptiste a parlé du vent. Jehovah nous a dit à Yulia Lungu. C'est dans les temps de la Bible. Et quand nous avons la Bible. Mais ce banam lui a parlé de la moissonneuse batteuse. Lakini ndubra nama yersema yulu ya kile kinatosha mambego kinavuna. C'est une machine. Ni machine moya. Que les savants ont conçu. Bale bafundi baritunga. Pour rentrer la récolte. Ndio akubeba mu mavuno. Quand les grains sont mûrs. Lakini wakati mambeko na hivya. Bien mûr. Na hivya mzuri. Maintenant la moissonneuse batteuse entre dans les champs. Ile machine inaingia sa mashamba. Et la moissonneuse rentre la moisson. Na iko naingiza mavuno yote mule ndani. Les véritables grains sont recueillis. Mambeko ile ya mzuri banaibeba kule. Et toute la saleté aussi est rejetée de l'autre côté. Na buchafu mwingine banatupa pembeni ngine. Efe madame disait. Na ndura wanasema. Je vois la venue de la moissonneuse batteuse. Minaona kuja kwa ile machine ya kuvuna nayo. Qui viendra? Il est takuya. Pour moissonner les véritables grains. Njia kuvuna mambeko ya kweli. Il dit je vois ça. Asemina yona. Il dit maintenant qu'est-ce que l'église doit faire? Asema sasa kanisa inapasha kufanya nini? Il dit les enfants de Dieu maintenant. Batoto ya Mungu sasa. Doivent s'exposer au soleil. Banapasha kujiweka sasa kujua. Pour mûrir. Njia kuivya. Et Jésus-Christ est le soleil de la justice. Na Yesu Kristo njo ile jua ya haki. Le nom de Jésus soit glorifié. Jina bwana Yesu Kristo tukuzwe. Nous attendons la pluie de la fin de l'arrière saison. Tukunachunga mvula ya kumwanzo na ya mwisho. Au 20e siècle. Mui wa 20e siècle. Il y a ici la scène trois planteurs. Kurukwae mu kibeta baba pandaji batatu. Iyai, kurukua, Billy Graham avec la semence dénominationnelle mbeko ya kizebu qui a semé dans le monde entier. Il a ripanda duniani mzima. Iyai Oral Robert. Kurukua Oral Robert avec la semence pentecôtiste na mbeko ya kipente qui a semé dans le monde entier. Na pia ripanda duniani mzima. Et le troisième semeur. Na watatu mpandaji. C'est William Branham. Ni William Branham. Qui est venu aussi. Alikuwa naye pia. Avec la semence biblique. Na mbeko ya Biblia. Et qui a semé. Na alipanda. Maintenant nous attendons. Sasa tukunachunga. Parce que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. La dénomination produira la dénomination. Le pentecôtisme produira le pentecôtisme. La pure parole biblique produira une épouse pour Jésus-Christ. Vous devez savoir quelle est la semence qui a été semée en vous. Vous devez vous examiner. Parce que la pluie de la première et de l'arrière-saison ne tombera pas dans les dénominations. Ne tombera pas dans les groupes charismatiques. Ne tombera pas dans les églises de réveil. Les églises de réveil produiront les semences. Et aujourd'hui, la semence des églises de réveil, les évangiles principales, c'est la sorcellerie telle qu'elle se prêche dans les villages autour du feu. Comme les grands-pères païens, ignorants, racontent la sorcellerie à cette manière-là. C'est ça le principal évangile des églises de réveil. C'est ça le travail des églises de réveil. Semer la peur, les doutes, l'incrédulité dans les gens. Semer la discorde, les divisions dans les familles. C'est ça leur message principal. Et ils ne récolteront que cela. Celui qui sème le vent, il récoltera la tempête. Atavuna paka mpepo. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous ne devez publier que la parole de l'heure. Vous devez croire que la parole de l'heure. Il y a certains frères qui publient, même certains pasteurs évangéliques, certains pasteurs pentecôtistes des églises de réveil. Ils publient même ce que les pasteurs femmes prêchent. Les autres lisent encore les tracts des témoins de Jéhovah. Vous récolterez ce que vous aimez. À la fin dans l'église, il n'y aura pas de mélange. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et frère Frank a dit, j'ai vu un champ doré avec les blés mûrs. Il n'y avait pas livré parce qu'il y a une promesse dans laquelle le Seigneur enverra ses anges pour enlever tout obstacle. Il n'y aura que les blés mûrs. Il n'y aura que les grains purs sans mélange. En avant cela, nous attendons une puissance qu'on appelle la pluie de la première et de l'arrière saison qui viendront ensemble. Ça sera une puissante action de l'esprit dans l'église épouse, une puissante action de l'esprit deux fois plus que ce qu'était la Pentecôte. C'est cette puissance qui secouera le monde entier. C'est par cette puissance de la pluie de la première de l'arrière saison que Dieu achèvera son église. Cette puissance-là nous introduira dans la transmutation, dans la résurrection des morts, et ensuite la véritable église sera moissonner pour être engagé dans l'église. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je vais appuyer cela parce que le message enseigne. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Franck dit cela dans le sublime 30. Ndugu Franck, on a sema mu barua yake kusunguka ya numero 13. À la page 3 et 4. Kartasi yake ya 3 na 4. L'ensemencement est accompagné de la première pluie. Kupanda kuna shindikizo na mvula ya kwanza. La pluie de la rière saison. Mvula ya kumwanzo. Ne tombe qu'avant la récolte. Hii kuna nguka ni mbele ya kupanda ya kuvuna. Cela signifie que ile maana yake ni premièrement, kwanza, toute la plénitude de la parole doit être semée. Utele yote neno unapasha kutiwa muri. Avant que la pluie de l'arrière-saison puisse tomber. Nous savons que c'est à cela que la parole de ce temps est destinée. C'est cela. Dans tous les temps, Dieu avait une parole de promesse qui devait être reçue dans la foi. Avant qu'au temps déterminé, elle puisse s'accomplir. Amen. Amen. Continuons. Ici maintenant nous sommes dans la circulaire avril 2009, la page 8. De la même manière maintenant, c'est des choses nous serons suffisamment accordées. Jusqu'à ce que tombe la pluie de l'arrière-saison. Dans la prédication, la parole parlait la semence originelle. Frère Branham a dit, quand ce messager arrivera, il plantera évidemment la semence de la Bible tout entière. Commençant par la semence du serpent, pour arriver jusqu'au messager pendant la première pluie. Ensuite, dans la dernière pluie, viendra un mont Carmel. Une confrontation. La Bible s'accomplit à la lettre. Frère Branham a semé la semence de la Bible. Nous continuons la lecture. Dans la réunion mensuelle de Krefeld, dimanche 7 juillet 2019, à la page 3, nous avons déjà mentionné que nous croyons de tout notre cœur la promesse principale pour notre temps qui devait s'accomplir avant le retour de notre Seigneur. Promesse que le Seigneur enverrait un homme par lequel tout serait de nouveau rétabli dans l'état primitif. Et comme dans Actes des Apôtres, chapitre 3, il est écrit que le Seigneur enverra le temps de rafraîchissement dans lequel la pluie de l'avant et de l'arrière saison tombent ensemble. Et ensuite, la moisson sera récoltée. Nous sommes un peuple plein de la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a vraiment fait grâce. Il a ouvert nos cœurs. Il a ouvert nos yeux. Et dans la réunion mensuelle de Krefeld, prêché le dimanche 1er décembre 2019, la pluie de l'avant et de l'arrière saison que nous attendons n'aura pas lieu dans les dénominations et n'aura pas lieu dans les mouvements charismatiques. La pluie de l'avant et de l'arrière saison viendra sur le peuple de Dieu, sur ceux qui ont été appelés à sortir et qui se sont séparés, qui sont blanchis, purifiés, sanctifiés dans la parole de vérité, et qui sont vraiment nés de nouveau. C'est sur eux que le Seigneur achèvera son œuvre dans notre temps. C'est Kumoja Mavuno. On va chanter ça. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse richement. Dieu.